إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Donc, comme vous le savez, l'intitulé du cours concerne Fada'il Ashri Dhul Hijjah, les mérites des 10 jours de Dhul Hijjah, c'est-à-dire les 10 premiers jours de Dhul Hijjah qui ont débuté, commencé aujourd'hui, le dimanche. Le cours, une bonne partie du cours est pris d'un écrit du Cheikh Abdel Razzaq, fils du grand savant, le Cheikh Abdel Muhsin Al-Abbad Al-Badr, Hafidhahum Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Inna al-ayyam al-ashr al-awwal min shahri dhil-hijjah ayyamun mubarakat, khassaha Allah Jalla wa Ala bikhasa'isa wa mayyazaha bimumayyizat. Les 10 premiers jours du mois de Dhul-Hijjah sont des jours bénis dont Allah tabaraka wa ta'ala a spécifié, caractérisé par des caractéristiques bien précises. Ikhtaraha Allah ta'ala wastafaha wa ja'alaha afdal ayyam as-sana 'ala al-itlaq. Allah tabaraka wa ta'ala a choisi ces jours, les a élevés et on a fait les meilleurs jours de l'année complètement. Wallahu ta'ala yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Et Allah, élevé soit-il, crée ce qu'il veut et il choisit ce qu'il veut. Subhanahu wa ta'ala. Aqsama Allah ta'ala biha tashrifan laha wa ta'liyatan min sha'niha. Allah tabaraka wa ta'ala a juré par ces jours, les 10 premiers jours de Dhul-Hijjah, comme honneur fait à ces jours et élévation. Et bien sûr, Allah se permet de jurer par ce qu'il veut parmi ses créatures. Et si Allah jure par une autre chose, ce n'est qu'une créature, car lui, il est le créateur, et tout ce qui est en dehors de lui est créature. Mais la créature, elle, l'humain, le djinn, ceux qui sont responsables de leurs actes et qui auront des comptes à rendre des actes commis et accomplis dans ce bas monde, eux ne doivent jurer que par Allah tabaraka wa ta'ala seul, sans rien lui associer. Qala ta'ala wal fajr wa layalin ashr. Allah, élevé soit-il, nous dit dans le sens du verset, par l'aube et par les 10 nuits. Qala الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وغيره، المراد بالعشر في الآية العشر الأول من شهر ذي الحجة. L'honorable compagnon عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ainsi que d'autres ont dit dans l'explication de ce verset, ce qui est voulu par les 10 nuits dans ce verset, ce sont les 10 premiers jours de Dhul-Hijjah. هي خير أيام العمل الصالح. Ce sont les meilleurs jours dans lesquels on accomplit les bonnes œuvres. فما تقرب إلى الله متقرب بعبادة أفضل من التقرب إليه تبارك وتعالى في هذه الأيام الشريفة الفاضلة. Et celui qui cherche à se rapprocher d'Allah ne s'est pas rapproché avec des bonnes œuvres mieux que dans ces jours, les 10 premiers jours de Dhul-Hijjah, ces jours honorables et méritoires. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام يعني العشر الأول من شهر ذي الحجة قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء الحديث رواه البخاري. D'après Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'y a pas des jours dans lesquels les œuvres, les bonnes œuvres, sont plus méritoires, sont plus aimées auprès d'Allah que durant ces jours, c'est-à-dire les 10 premiers jours de Dhul-Hijjah. Alors les compagnons, radiyallahu anhum, ont dit au messager d'Allah, même pas le combat dans le sentier d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, même pas le combat dans le sentier d'Allah, sauf un homme qui est sorti pour le combat avec sa personne et ses richesses, et il n'est revenu avec rien de cela. C'est-à-dire, il est mort dans le combat et il a perdu toutes ses richesses là-dedans. Il a laissé toutes ses richesses là-dedans. Le hadith rapporté par Al-Bukhari. تَجْتَمِعُ فِيهَا يَعْنِ فِي هَذِهِ الْعَشْرِ أُمَّهَاتُ الطَّاعَاتِ مَا لَا يَجْتَمِعُ فِي غَيْرِهَا مِنْ أَيَّامِ السَّنَةِ الصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ وَالزَّكَاةِ وَالْحَجِ وَغَيْرُهَا مِنَ الطَّاعَاتِ الْجَلِيلَةِ وَالْعِبَادَاتِ الْعَظِيمَةِ. Sont réunis durant ces jours les plus importantes adorations, la base même des adorations qu'on ne peut retrouver toutes réunies dans les autres jours de l'année. La prière, le jeûne, l'aumône obligatoire, le pèlerinage et plein d'autres formes d'adoration et d'obéissance énormes. جعلها الله تعالى موسما لأداء حج بيته الحرام وجعل فيها أيامه العظام. Allah تبارك وتعالى a mis durant cette période la pratique de ce rituel qui est le pèlerinage vers sa demeure sacrée. Et il a mis durant cette période les grands jours du pèlerinage. جعلها يوم التروية وهو يوم الثامن. Le jour de التروية, qui est le premier jour du Hajj. Pour ceux qui sont en pèlerinage, c'est le huitième jour du mois de Dhul-Hijjah. وفيها يوم عرفة وهو خير يوم طلعت فيه الشمس. Il s'y trouve aussi le jour de Arafah, qui est le lendemain du huitième jour, du jour de Tarwiya. C'est le neuvième jour de Dhul-Hijjah. C'est le meilleur jour qui a vu le soleil se lever. وفيها يوم النحر وهو أعظم الأيام عند الله. Il s'y trouve aussi le jour du sacrifice, qui est le dixième jour de Dhul-Hijjah, le jour de l'Eid al-Adha, qui est le plus grand jour auprès d'Allah. عن عبد الله بن قرط رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر رواه أبو داود وصححه الألباني. D'après l'honorable compagnon Abdullah ibn Qurt رضي الله عنه, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le meilleur jour, le plus énorme des jours auprès d'Allah, tabaraka wa ta'ala, c'est le jour du sacrifice. Le hadith rapporté par l'imam Abu Daoud et authentifié par l'Albani. إن هذه العشر موسم عظيم للإكثار من ذكر الله تعالى. قال الله تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. Durant ces 10 jours de Dhul Hijjah, c'est un moment énorme dans lequel on se doit d'évoquer beaucoup Allah tabaraka wa ta'ala. Allah nous dit dans le sens du verset et qu'ils évoquent le nom d'Allah dans des jours bien connus, bien précis. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وغيره: الأيام المعلومات هي الأيام العشر الأول من شهر ذي الحجة. L'honorable compagnon عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ainsi que d'autres ont expliqué ce verset en disant: les jours bien connus, bien précis, ce sont les 10 premiers jours de ذو الحجة. وقد جعل الله تبارك وتعالى خاتمة هذه العشر ونهاية أيامها عيدا للمسلمين. الله تبارك وتعالى a fait de la fin de ces 10 premiers jours de Dhul Hijjah une fête pour les musulmans. يفرحون فيها فرحة عظمى وسرورا كبيرا بما يسر الله لهم في هذه العشر من الطاعات والعبادات والقربات. Les musulmans fêtent le jour de Eid al-Adha, qui est le 10e jour de Dhul Hijjah, car ils sont fiers, ils sont contents, ils sont heureux de cette grande joie qu'Allah leur a accordée, du fait qu'il leur a facilité d'accomplir les actes d'obéissance et les grandes bonnes œuvres durant ces 10 jours de Dhul Hijjah, parmi les adorations et les moyens de se rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala. ولهذا حين يلتقي المسلمون يوم العيد من حج منهم ومن لم يحج يهنئ بعضهم بعضا قائلين ما قاله الصحابة الكرام رضوان الله عليهم في ذلك اليوم تقبل الله منا ومنك. Et c'est pour cela que lorsque les musulmans se rencontrent, viennent à se rencontrer durant ce jour de l'Eid, durant ce jour de la fête des musulmans, ceux parmi eux qui ont accompli le pèlerinage, qui sont en plein pèlerinage, et ceux qui ne sont pas en pèlerinage, chacun lorsqu'il rencontre son prochain, il formule la formule qui a été dite et qui nous a été enseignée par les compagnons honorables radiyallahu anhum ajma'in durant ce jour, lorsqu'ils disent taqabbal Allahu minna wa mink, qu'Allah accepte les bonnes œuvres de nous ainsi que de toi. Wa hadhihi kalimatun laha waq'uha wa waznuha wa makanatuha mimman nafasa fil ibadati wa aqbala 'ala at-ta'ah. Et cette parole, cette formule, elle a sa place, elle a son degré, elle a son poids pour ceux qui ont concurrencé dans l'adoration et dans l'accomplissement des bonnes œuvres. C'est pour cela que les compagnons disaient cette formule le jour de l'Eid, c'est-à-dire que chacun félicite son prochain des œuvres qu'il a pu accomplir et ce qu'Allah lui a facilité d'accomplir durant les 10 jours de Dhul Hijjah. Mais alors que dire de celui qui a été dans les péchés, dans l'éloignement, dans l'égarement, dans les actes qui sortent de l'islam, qui éloignent de l'islam, celui-là, il va se féliciter de quoi? Il n'a pas fait ce qui lui était demandé comme action de rapprochement envers Allah tabaraka wa ta'ala. هي أيام فاضلة وأيام معظمة وأيام جليلة وأيام مباركة إذ تضاعف فيها الحسنات وتعظم فيها الخطايا والسيئات. Ce sont des jours louables, des jours bénis, des grands jours énormes durant lesquels les bonnes œuvres sont multipliées, la récompense et la valeur. Et de l'autre côté, les péchés, les fautes, les désobéissances, elles deviennent bien plus énormes. Ayyam al-ashr taqa'u fi shahri dhil-hijjah. Les 10 premiers jours font partie du mois de Dhul-Hijjah. Wa huwa ahadu al-ashhur al-arba'a al-hurum. Et il fait partie des 4 mois sacrés de l'année musulmane. Wa shahru al-hajj, wa shahru yawmi arafah, wa shahru yawmi al-nahr, wa eid al-adha, wa shahru ayyam al-tashriq. C'est le mois de Dhul-Hijjah, c'est le mois du pèlerinage. C'est le mois du jour de Arafah. C'est le mois du jour du sacrifice. C'est le mois du jour de la fête du sacrifice, de l'Adha. C'est le jour des 3 jours de Tashriq, c'est-à-dire les 3 jours qui suivent le jour de l'Eid, le 11, 12 et 13 de Dhul-Hijjah. قال الله تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. Allah nous dit dans le sens du verset, certes le nombre de mois de l'année auprès d'Allah est de 12 mois dans le livre d'Allah, le jour où il créa les cieux et la terre, parmi lesquels il y en a 4 qui sont sacrés. Voilà la religion de droiture. Ne soyez pas mauvais envers vos propres personnes. N'offensez pas vos propres personnes durant ces mois sacrés. C'est-à-dire qu'elles ont une place énorme. Donc, l'année, le calendrier musulman, il comporte 12 mois. Et le nom des mois, ce sont les noms qu'ils avaient, les Arabes, avant la venue du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et qui a été établi par le prophète, alayhi salatu wa sallam, et accepté par lui. Les mois, il n'y en avait pas un qui était considéré comme premier, et dont un sera considéré comme le dernier. On savait que tel mois était avant tel mois, et après tel mois. Ça, ils le savaient. Mais ils n'avaient pas d'ordre, c'est-à-dire que l'un est le premier et l'autre c'est le dernier. Ça, ils ne l'avaient pas. Et à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il en était ainsi. Et à l'époque d'Abu Bakr al-Siddiq, il en était ainsi. Jusqu'à la période du califat de Omar ibn al-Khattab, lorsqu'il a voulu mettre un calendrier clair pour les musulmans, où il y a des dates bien précises, ils ont décidé, à l'époque du prophète, à l'époque d'Omar, radiallahu anhu, avec concertation des compagnons présents à ce moment, ils se sont concertés pour choisir une date qui sera l'année 1 des musulmans. Et ils ont choisi que c'était l'immigration. C'est pour cela qu'on suit le calendrier de l'immigration. Ils ont décidé que c'était un renouveau pour les musulmans. C'est là où les musulmans avaient toute la force et le premier état qui était fondé à Médine. Après l'émigration. Donc, ils ont considéré cette année comme étant la première année. Tout ce qui s'est passé avant, on dit tant d'années avant l'émigration. Et après l'émigration, on est aujourd'hui en l'an 1439. En l'an 1439, à la fin de l'année, puisqu'on est entré dans le 12e mois. On est à la fin de l'année 1439 de l'égir du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont concerté, discuté sur le premier mois à choisir. Et ils ont accepté que le mois de Muharram soit le premier mois de l'année. Parmi les explications qui sont données, wallahu a'lam, c'est que le mois du Hajj, c'est le mois dans lequel on accomplit exactement les rites du pèlerinage. Bien que les mois du pèlerinage commencent bien avant. Comme Allah nous dit dans le Coran, Al-Hajju Ashhurun ma'lumat. Le Hajj est durant des mois bien connus, bien précis. Ces mois-là, c'est Shawwal, Dhul-Qi'dah et Dhul-Hijjah. Shawwal, Dhul-Qi'dah et Dhul-Hijjah. Shawwal, c'est le 10e mois. C'est le mois qui est juste après Ramadan. Après le pilier du jeûne de Ramadan, on entre directement dans le cinquième pilier, c'est-à-dire dans la période du pèlerinage. Ça commence dès le premier de Shawwal. Derrière, on a le mois de Dhul-Qi'da. Et après, on a le mois de Dhul-Hijja. C'est-à-dire que depuis le premier Shawwal, quelqu'un peut partir avec l'intention de faire le pèlerinage. Par exemple, quelqu'un qui fait le tamattu, il va y aller, il va faire sa umra, il va se désacraliser et il attendra les jours précis du hajj. Ça va être long, près de deux mois d'attente. Mais il est la partie pour faire le tamattu. Quelqu'un qui est en qiran, c'est-à-dire qu'il fait un état de sacralisation pour les deux rites, la umra et le hajj. Il arrive, il fait la umra, il reste en état de sacralisation jusqu'au hajj. C'est long. Mais il peut parce qu'il est dans les mois du pèlerinage. Al-hajju ashhurun ma'lumat. Donc, Dhul-Hijja, c'est des jours bien précis dedans où il y a le pèlerinage. Le pèlerinage commence Yawm al-Tarwiyah, qui est le 8 de Dhul-Hijja. Aujourd'hui, on est le premier, c'est-à-dire dans une semaine. Dans une semaine, le hajj commence, les rites du pèlerinage. Ils vont à Mina, ils passent la journée, ils dorment. Le lendemain, le deuxième jour du hajj, on est le neuvième jour de Dhul-Hijja, on est le jour de Arafat. Et les pèlerins sont à Arafat. On dit Arafat et Arafat pour le lieu. Et le jour, il s'appelle le jour de Arafat. Donc, ils sont là-bas. Le soir, ils vont à Muzdalifa pour passer la nuit. Ils passent la nuit le matin. On est le troisième jour du Hajj. Et on est le 10 de Dhul-Hijja. C'est le jour du Eid, Eid al-Adha. C'est le jour où il y a le plus de rites à accomplir pour le pèlerin. Puis, le soir, il retourne à Mina pour terminer son pèlerinage. Et il va rester à Mina le 11, le 12, c'est-à-dire le 4e et le 5e jour du Hajj. Ce sont les deux premiers jours de Tashriq. Le 12e jour, si la personne est pressée, avant le Maghrib, il peut partir. Il a terminé son pèlerinage. Ça, c'est celui qui est pressé. Al-Muta'ajjil. Mais le mieux, c'est de terminer complètement et de rajouter encore une journée. D'attendre le 3e jour et dernier jour de Tashriq. Le 13 de Dhul-Hijja, à Mina, puis le Hajj est terminé. Donc le Hajj, les rites du Hajj en lui-même, au minimum durent 5 jours, au maximum durent 6 jours. Et là se termine le Hajj, donc ces jours-là, durant le mois de Dhul-Hijja. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous informe et nous enseigne que celui qui a accompli un hajj mabrour, un hajj accompli pour Allah Azza wa Jal sans rien lui associer, et qui a été accompli comme nous l'a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, selon la tradition du prophète alayhi wa sallam. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à chaque fois qu'il faisait une action durant le pèlerinage, et il est à savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a fait qu'un seul pèlerinage. En tant que prophète, il n'a fait qu'un seul. C'est le pèlerinage d'adieu. Et il a fait 4 umrah. Durant ce pèlerinage, à plusieurs reprises, il disait à ses compagnons, « لِتَأْخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ لَعَلِّي لَا أَلْقَاكُمْ بَعْدَ عَامِ هَذَا » Que vous preniez de moi vos rites du pèlerinage. Car il se peut que l'année prochaine, je ne sois pas parmi vous. Et comme l'a dit alayhi salatu wassalam, il va décéder avant d'atteindre l'autre pèlerinage. Alayhi salatu wassalam. Donc, celui-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne qu'il revient de son pèlerinage pardonné, les péchés pardonnés, comme le jour où sa maman l'a mis au monde, avec une nouvelle page. Donc le mois qui suit, c'est son premier mois. Donc ils ont décidé que ce soit Muharram, le premier mois, car c'est le mois qui suit, le mois de Dhul-Hijja. Et de ce fait, le premier mois, on a Muharram, Safar, Rabi' al-Awwal, Rabi' al-Thani, Jumada al-Oula, Jumada al-Thaniya. On en a combien là? On en a 6. Rajab. Et Rajab est un mois sacré. C'est le seul qui est tout seul. C'est le seul qui est tout seul entre Jumada et Sha'ban. D'accord ? Les trois autres, ils se suivent. Donc on en est où ? On est au septième qui est Rajab. Le huitième, Sha'ban. Le neuvième, Ramadan. Le dixième, Shawwal, Dhul-Qi'da, Dhul-Hijja. Ce sont les 12 mois du calendrier musulman. Et les 3 mois sacrés qui se suivent sont Dhul-Qi'da, donc là c'est le 11e, Dhul-Hijja, c'est le 12e, et Al-Muharram qui est le 1er. Ils se suivent, 11, 12 et 1. Une des sagesses, pourquoi ces 3 mois sont sacrés, c'est que le pèlerinage est un rituel qui existait depuis des millénaires. Depuis que Ibrahim alayhi salam a fait l'appel aux gens de venir de toutes les contrées pour le pèlerinage vers la maison sacrée, vers la Kaaba. Et la Kaaba, c'est le premier lieu de prière, le premier lieu de culte construit sur terre. C'est la mosquée sacrée de la Mecque. Aucun lieu ne l'a précédé. On a de Abu Dharr al-Ghifari radiallahu anhu questionna le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quel est le premier lieu de culte, la première mosquée, c'est le lieu de culte mis sur terre à disposition des gens. Il a dit, c'est la mosquée sacrée à la Mecque. Et il a continué en demandant, puis c'est laquelle ? Lequel autre lieu ? Le deuxième. Il a dit, c'est Al-Masjid al-Aqsa, la mosquée al-Aqsa qui est en Palestine, fi Beit al-Maqdis, à Jérusalem. Combien il y a entre les deux, la durée de temps ? Il a dit 40 ans s'est écoulé. Entre les deux mosquées, 40 ans se sont écoulés. Et Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans le Coran, « Inna awwala baytin wudi'a linnas lalladhi bibakkata » La première mosquée mise à disposition des gens, c'est celle qui est à Bakka, qui est un des noms de la Mecque. Donc les gens venaient de toutes les contrées pour accomplir le pèlerinage. Et donc, depuis l'époque d'Ismaïl alayhi salam et les Arabes, les Quraysh, les habitants de la Mecque, avaient comme mission de préserver la Kaaba. Et c'est eux qui recevaient les pèlerins qui venaient de toutes les contrées. Mais les tribus, ils avaient des périodes, et souvent, en guerre, en conflit. Chaque tribu attaquait l'autre, pour X raisons, à tort ou à raison. Mais ils magnifiaient les mois sacrés. Donc, ils ne faisaient pas de guerre pendant ces périodes-là. Et ils ont choisi le mois de Dhul-Qi'da, car c'est le mois qui précède le mois de Dhul-Hijjah, dans lequel il y a les rites du pèlerinage. Donc pendant un mois, pas de guerre, pour laisser les gens tranquillement arriver, qu'ils ne se retrouvent pas en plein milieu de conflit ou de guerre. Puis, une fois le pèlerinage accompli, on leur rajoutait le mois suivant qui était le Muharram, pour les laisser tranquilles repartir et rentrer chez eux après avoir accompli le pèlerinage. Ça, c'est une des sagesses pour lesquelles ces 3 mois-là se suivent. Mais il y en avait parmi les tribus qui s'amusaient avec le mois de Rajab, qui est un mois sacré. Ils ne le respectaient pas. Et pour avoir soi-disant une bonne conscience, ils disaient que ce n'est pas encore le mois de Rajab. Et ça, c'était un péché commis. Ils mentaient aux gens en faisant croire qu'ils ne sont pas dans le mois de Rajab, mais dans un autre mois, alors que c'était le mois de Rajab. Mais il y avait une tribu qui était connue pour encore plus respecter ce mois-là et le magnifier encore plus que les autres, c'est la tribu de Mudar. Et c'est pour cela que souvent quand on dit le mois de Rajab, on dit Rajab Mudar. Hein? C'est-à-dire affilié à cette tribu qui, elle, respectait scrupuleusement la sacralité de ce mois de Rajab. Tayyip. وعن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان متفق عليه. D'après Abu Bakr radiallahu anh, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le temps a tourné et revenu comme le jour où Allah tabaraka wa ta'ala a créé les cieux et la terre. L'année comporte 12 mois, parmi lesquels 4 sont sacrés, 3 qui se suivent, Dhul-Qi'da et Dhul-Hijja et Al-Muharram et Rajab Mudar, qui est entre Jumada et Sha'ban. Le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. قال الله تعالى الحج أشهر معلومات. الله الفسوات il a dit le hajj est durant des mois bien précis, bien connu. وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة. Et ces mois sont شوال, ذو القعدة, ذو الحجة, comme on a vu précédemment. إن من السنة إذا رأى الإنسان هلال ذي الحجة وأراد أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. Fait partie de la sunna que lorsque la personne qui a l'intention de sacrifier la bête ou de faire sacrifier une bête, quand on dit sacrifier la bête, c'est la personne dont sa bête à lui va être sacrifiée. Bien sûr, le mieux, la meilleure étape, c'est que c'est lui-même qui accomplit cette action. C'est lui-même qui fait le sacrifice. Mais il a le droit de léguer à quelqu'un, de le faire à sa place. Mais celui qui va le faire, ce n'est pas sa bête. C'est la bête de celui qui lui a légué. Donc c'est son sacrifice à lui. Donc il est toujours concerné par ce qui est demandé. Que ce soit lui qui le fasse ou quelqu'un qui le fait à sa place, c'est sa bête à lui qui est sacrifiée. Donc c'est lui qui veut faire le sacrifice. Donc il est concerné par ce qui est demandé. Et qui voit l'entrée du mois de Dhul-Hijjah, c'est-à-dire le soir du dernier jour de Sha'ban. Hier, on était le dernier jour de Sha'ban. De Dhul-Qi'da, barakallahu fikum. Mashallah, on pense beaucoup à Ramadan. Na'am, c'est bien. Donc de Dhul-Qi'da. Hier, on était le dernier jour de Dhul-Qi'da. Et le soir, c'est là qu'on regarde est-ce que le mois va entrer ou pas. Car les mois musulmans, les mois du calendrier lunaire, ne sont pas comme les calendriers, comme le calendrier solaire, qui eux sont des mois avec des jours fixes. On sait que janvier attend deux jours, on sait que mars attend deux jours, février fait exception. Il a 28 jours et la quatrième année, il en a 29. D'accord ? Tous les 4 ans, il rajoute un jour. Mais sinon, tous les mois, ils ont 31, 30, c'est fixe. Les mois musulmans ne sont pas fixes. D'accord ? Cette année, Dhul-Qa'da a eu 29 jours. L'année prochaine, il peut avoir 30 jours. Les mois musulmans ont soit minimum 29 jours ou maximum 30 jours. Ce n'est pas que le mois de Ramadan qui est concerné par la vision lunaire. C'est tous les mois du calendrier musulman. Donc le 29 au soir, on ne sait le lendemain, est-ce qu'on sera le 1er ou le 30. Donc il y a la vision lunaire. Et ça, c'est ce qui est enseigné dans la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. Les calculs astronomiques n'ont rien à voir dedans. Même s'ils disent, on peut la voir, on ne peut pas le voir, il y a eu la naissance, pas la naissance, ça n'a rien à voir. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a enseigné de regarder le ciel dans la bonne direction et de chercher le nouveau croissant de lune. Soit on le voit ou soit on ne le voit pas. Si on ne le voit pas, on termine 30 jours. Après le 30e jour, il n'y a pas besoin. C'est qu'un soir qu'on va regarder. Le lendemain, on est le 30. On sait que le surlendemain, on est le 1er. C'est fini. Hier, on était le 29. Donc, il y a eu la vision lunaire. Et comme ils ont vu le croissant lunaire, donc aujourd'hui, on est le 1er de Dhul-Hijjah. Et la nuit, elle précède le jour. Donc, c'est la veille. C'est pour cela que lorsqu'on est dans le mois de Sha'ban, à la fin de Sha'ban, et le soir, on nous dit demain c'est Ramadan, ce soir on va commencer Tarawih. car cette nuit n'est plus la nuit de Sha'ban, c'est la première nuit de Ramadan. Donc elle comporte les prières de Tarawih et les règles de Ramadan. Lorsqu'on est à la fin de Ramadan, et le soir on nous dit demain c'est Shawwal, c'est l'Eid, Eid al-Fitr. Et bien ce soir-là, on ne fera pas Tarawih. Pourquoi ? Parce qu'on a fini Ramadan avec le coucher du soleil. On est la nuit du premier jour de Shawwal. Et dans Shawwal, il n'y a pas de Tarawih. Ramadan est terminé. Donc c'est la veille. D'accord ? Pareil pour les naissances des enfants. Quelqu'un qui a une naissance, il veut savoir comment on compte le septième jour. D'accord ? Ben oui. Si l'enfant, il naît dans la journée, c'est le jour même. Mais s'il naît la nuit, voilà. Par exemple, si l'enfant, il est né hier soir, donc c'est compté pour lui dimanche. S'il est né dans la journée, ça sera compté samedi. Vous comprenez ? Voilà. Donc ça aussi, c'est important. C'est le changement de jour, c'est au coucher du soleil. Dans les pendules d'aujourd'hui, souvent les gens, c'est minuit. À partir de minuit, on change de jour. Mais dans la religion, c'est à partir de le Maghreb. À partir de le Maghreb, c'est pour ça qu'après l'Asr, c'est la fin de la journée. On quitte le jour pour un nouveau jour. Donc, celui qui a l'intention d'accomplir un sacrifice, d'immoler une bête, alors il devra s'abstenir de se couper les ongles, de se couper les cheveux, de se raser les cheveux, de toucher au poil de son corps ou à sa peau. عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره رواه مسلم. D'après Umm Salama, radiallahu anha, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si vous voyez le nouveau croissant de lune du mois de Dhul-Hijjah, l'entrée du mois de Dhul-Hijjah, et que l'un d'entre vous veut sacrifier une bête pour le Eid, alors qu'il s'abstienne de prendre de ses cheveux ou de ses ongles. Le hadith rapporté par Muslim. An Jabir رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أفضل أيام الدنيا العشر يعني عشر ذي الحجة. Pour revenir au hadith précédent, ici le musulman qui a l'intention d'accomplir ce rituel du sacrifice d'une bête pour l'Eid, qui le sacrifie lui-même ou qui va le faire sacrifier par quelqu'un d'autre, c'est lui-même qui est concerné par cette règle. Son épouse, ses enfants, ceux qui sont à sa charge, ne sont pas concernés par cette règle-là. C'est lui qui est concerné. En agissant ainsi, il ressemble un peu aux pèlerins qui sont en état de sacralisation, qui eux ont des interdits durant l'état de sacralisation, durant l'ihram. Mais il ne va leur ressembler que dans ces points-là. Il ne touche pas à ses ongles, à ses cheveux, à ses poils, à sa peau. Il n'arrache rien durant les 10 premiers jours de Dhul-Hijjah jusqu'à qu'il sacrifie. Mais les autres interdits concernant le Hajj ou Al-Mu'tamir, lui n'en est pas concerné. Il a le droit de se marier, l'homme a le droit d'avoir des rapports avec son épouse. D'accord ? Ces choses-là qui sont interdites pour le pèlerin, lui n'en est pas concerné. Ils n'ont de points de commun que ces points cités dans le hadith. Que ces points qui sont cités dans le hadith. Donc ça, c'était une remarque importante. An Jabir ibn Abdillah radiallahu anhu. An al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qal afdalu ayyami dunya al-ashr يعني عشر ذي الحجة الحديث رواه البزار وابو يعلى وصححه الألباني. D'après Jabir رضي الله عنه, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les meilleurs jours de ce bas monde sont les 10 premiers jours de ذو الحجة. Le hadith rapporté par البزار et abu يعلى et authentifié par l'Albani. أكمل الله تعالى الدين وأتم النعمة في هذه الأيام العشر وكان ذلك في يوم عرفة حين نزل قول الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الله تبارك وتعالى a parachevé la religion et a comblé de ses bienfaits la communauté durant ces jours de Dhul-Hijjah, et plus précisément le jour de Arafah, le 9e jour de Dhul-Hijjah, lorsqu'Allah tabaraka wa ta'ala a révélé cette parole, ce verset coranique, dans le sens du verset « Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion, je vous ai comblé de mes bienfaits et j'agrée l'islam pour vous comme religion. » Un juif est venu voir le prince des croyants, Omar ibn al-Khattab radallahu anhu, et il lui a dit: ô prince des croyants, il y a un verset dans votre livre. Si ce verset a été révélé à nous, le peuple des juifs, on en aurait fait de ce jour où ça a été révélé un jour de fête. Et Omar radallahu anhu lui a dit: je sais exactement le moment et le lieu dans lequel a été révélé ce verset. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. C'était un vendredi, le jour de Arafah. Arafah, le jour de Arafah, Arafah en plein pèlerinage. Le prophète sallam a reçu ce verset. C'est l'un des derniers versets révélés au prophète sallam. Il n'en a pas eu beaucoup après. Et certains ulama disent que le dernier verset révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un des versets de sourate al-Baqarah. C'est la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala: wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Donc on voit aussi là l'importance de ces jours. Yusannu at-takbir al-mutlaq في عشر ذي الحجة وسائر أيام التشريق. Il est recommandé, conseillé, fait partie de la sunna de proclamer la grandeur d'Allah tabaraka wa ta'ala d'une manière générale durant les 10 premiers jours de ذي الحجة ainsi que les 3 jours suivants, les 3 jours qu'on appelle de أيام التشريق, c'est-à-dire du 1 au 13 de ذي الحجة. من غروب شمس آخر يوم من شهر ذي القعدة إلى آخر يوم من أيام التشريق وذلك بغروب شمس اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة. Depuis le coucher du soleil de la dernière journée de ذو القعدة, puisqu'avec le coucher du soleil on entre dans ذو الحجة, jusqu'au 13e jour de ذو الحجة, jusqu'à la prière de l'Asr, de Dhul-Hijjah. Ça, c'est le takbir général. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de moment précis dans ces journées, dans ces nuits, à le faire. Tu peux le faire de journée comme de nuit, à n'importe quel moment, en n'importe quel lieu. À tout moment où tu y penses, où tu te rappelles, tu le fais. Il n'y a pas un moment précis. Ça, c'est ce qu'on appelle « al-takbir al-mutlaq ». Et il y a ce qu'on appelle aussi At-Takbir Al-Muqayyad. Ça, c'est en plus. En plus de celui-là, il y a à un moment donné ce qu'on appelle le Takbir Al-Muqayyad. Le Takbir, la proclamation de la grandeur d'Allah, Tabaraka wa Ta'ala, qui est restreinte. C'est-à-dire qui est demandée à des moments bien précis. C'est-à-dire après les prières obligatoires. Wat-Takbir Al-Muqayyad min tulu'i fajri yawmi Arafah إلى آخر أيام التشريق في صلاة العصر أدبار الصلوات. Donc celui-là qui est muqayyad, il commence, il débute depuis le fajr du jour de Arafah, du 9e jour de Dhul-Hijjah, jusqu'à la prière de l'Asr du 13 de Dhul-Hijjah. C'est-à-dire pendant 5 jours, le 9, le 10, le 11, le 12 et le 13. Après les prières obligatoires. بعد أن تستغفر وتقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. Donc lorsque la personne a fini la prière obligatoire, il a commencé à faire le rappel qui est dans la sunna, de dire astaghfirullah trois fois, Allahumma anta salam, uminka salam, tabarakta, ya zal jalal wal ikram, il dit le takbir à ce moment-là. Et après, il pourra terminer le rappel connu après les prières obligatoires. Et le takbir, c'est de dire Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, trois fois. Ou alors, Allahu akbar, deux fois. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, wallahi alhamd. Il y a aussi d'autres formules, mais c'est celle-là la plus authentique et la plus connue. يستحب صوم يوم عرفة لغير الحاج. Il est recommandé à celui qui n'est pas dans le pèlerinage, qui n'est pas pèlerin, d'accomplir le jeûne du jour de Arafah. Bien sûr, comme on a vu, les 10 premiers jours de Dhul-Hijjah, ils ont une grande valeur. Et les bonnes œuvres accomplies durant ces 10 jours sont bien plus méritoires que durant les autres jours de l'année. Et le ulama nous explique que les jours de Dhul-Hijjah, les 10 premiers jours, sont meilleurs que les 10 derniers jours de Ramadan. Car ce qui est méritoire dans les derniers jours de Ramadan, c'est les nuits. Et pour les premiers jours de Dhul-Hijjah, ce sont les journées. En tant que journée dans laquelle il y a le soleil qui est levé, les meilleurs, ce sont les 10 premiers jours de Dhul-Hijjah. Mais en tant que nuit, les 10 meilleures nuits, ce sont les 10 dernières nuits de Ramadan, dans lesquelles il y a la nuit du destin, Laylatou al-Qadr. Donc, il est bien, les actes obligatoires sont bien plus méritoires. Les actes surrogatoires sont bien plus méritoires. Donc, ils ont bien plus de valeur accomplie durant cette période. Donc, il est bien de faire toutes les bonnes actions. Et parmi ces actions-là, il y a aussi le jeûne. Mais encore plus, c'est demander le jeûne le jour de Arafah. فَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ سُئِلَ عن صوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والسنة القابلة رواه مسلم. D'après Abu Qatada رضي الله عنه, que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم fut questionné sur le jeûne du jour de Arafa, et le prophète صلى الله عليه وسلم a répondu: le jeûne de ce jour efface les péchés d'une année passée et les péchés d'une année à venir. C'est-à-dire qu'il efface les péchés de deux années. L'année passée et l'année qui arrive. Le hadith est rapporté par Muslim. Le ulama nous explique aussi que les textes dans lesquels il est précisé l'effacement des péchés par des bonnes œuvres, comme ici, le jeûne du jour de Arafah, il efface les péchés d'une année passée et d'une année à venir, comme le jeûne du jour de Ashura, le dixième jour du mois de Muharram. C'est recommandé aussi, une année passée. D'un vendredi à un vendredi, d'un ramadan à ramadan, le hajj, et ainsi de suite. Le ulama nous explique que, et les bonnes œuvres qui viennent effacer, ils effacent les petits péchés, qui sont innombrables. Innombrables. Donc ça, c'est une clémence, une miséricorde, un don d'Allah tabaraka wa ta'ala, honneur fait à ses créatures, c'est que par le biais des bonnes œuvres, Allah efface les mauvaises œuvres. Et il échange les mauvaises œuvres en bonnes œuvres. Sauf les grands péchés. Car les grands péchés ont une place spéciale, qui est que celui qui veut être pardonné doit en faire la demande. La personne se doit de demander le pardon à Allah azza wa jalla. Il doit s'en repentir à Allah Azza wa Jal. Et dans certains textes, c'est précisé. Tant que les grands péchés sont, la personne s'en éloigne. C'est-à-dire, il y a effacement des péchés tant que la personne s'éloigne des grands péchés. « اليوم العاشر et le jour de Arafah. Donc il est recommandé de le jeûner pour les gens qui ne sont pas en pèlerinage. Les pèlerins, eux, sont occupés avec d'autres actes d'adoration. Et ils se doivent de garder leur force pour accomplir les œuvres demandées. Donc, ils ne jeûnent pas en tant que pèlerins. Mais sinon, c'est recommandé pour les gens qui ne sont pas en pèlerinage. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un des hadiths qu'il n'y a pas un jour durant lequel Allah pardonne plus et sauve plus de gens du feu de l'enfer que le jour de Arafah. C'est un jour énorme, le 9e jour, le jour de Arafah, la veille de l'Eid. De même que le prophète en salle m'a dit, le meilleur dua, c'est le dua du jour de Arafah. La meilleure invocation, c'est l'invocation faite le jour de Arafah. Et la meilleure parole que j'ai prononcée moi, ainsi que les prophètes avant moi, c'est la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Proclamation de l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala. Al yawm al ashir, le 10e jour de Dhul Hijja. Al yawm al ashir min shahri Dhul Hijja huwa khayrul ayyam 'inda Allah. Le meilleur jour et le plus grand jour auprès d'Allah, tabaraka wa ta'ala, c'est le 10e jour de Dhul Hijjah. Wa huwa yawmul hajj al-akbar. Et c'est ce jour qu'on appelle le jour du grand pèlerinage. Car c'est le jour où le pèlerin accomplit le plus de rites. Le matin, le pèlerin, il a accompli la prière de l'Fajr. Je parle en temps normal. Je ne parle pas des personnes infirmes, des personnes qui ont des handicaps, qui ont des problèmes, qui n'ont pas pu attendre le Fajr et sont partis dans la nuit. Je parle d'un temps normal. Les gens sont où? Ils sont à Muzdalifa. D'accord? Ils sont à Muzdalifa. Ils ont accompli le Fajr. Ils sont restés à invoquer Allah Azza wa Jal jusqu'à la fin de l'aube. Juste un peu avant le lever du soleil. Puis il quitte Muzdalifa et il se dirige vers Mina. Et arrivé à Mina, ils vont aller vers la dernière stèle pour eux, car ils vont faire face à la petite, à la médiane, mais ce jour-là, ces stèles ne sont pas lapidées. Elles seront lapidées les jours suivants. Ils vont vers la troisième stèle, la plus proche de la Mecque, la dernière pour eux. C'est la grande stèle. Jamratul Kubra, qu'on appelle Jamratul Aqaba. Et ils devront la lapider avec cette petite caillasse. Une fois ceci fait, ils devront se raser la tête, les hommes. Ou, mais ça c'est ce qu'il y a le mieux à faire. Ou alors ils vont se tailler les cheveux. Quand on dit raser la tête, se tailler les cheveux, c'est partout. Tous les contours de la tête, pareil. Il n'y a pas de rétro, il n'y a rien du tout. D'accord ? Hein, les coupes que font les gens qui sont contraires à l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, ce soit dans le pèlerinage ou autre. Le musulman, lorsqu'il se coupe les cheveux, il coupe partout pareil, de la même taille. Lorsqu'il se rase, il se rase complètement la tête. Il ne laisse pas une partie avec des cheveux et une partie rasée. Ça, c'est contraire aux enseignements de l'islam. Et souvent, les gens qui le font, ce n'est qu'une imitation des mécréants. Et parfois une imitation des gens pervers qui ne sont en rien un modèle pour le musulman. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit al-qaza, qui est le fait de raser une partie de la tête et de laisser d'autres parties. Ça, c'est interdit. Donc le musulman s'éloigne de cela. Et la femme, elle ne coupe qu'une partie de ses cheveux. Elle prend le bout de ses cheveux et elle coupe la taille d'une phalange, un moula, c'est 2-3 cm, c'est une partie du doigt. Elle doit couper au ciseau. Puis, après cela, il y a le sacrifice. Ceux qui peuvent aller sacrifier, qu'ils le fassent. Mais en général, dans notre époque, c'est difficile. Donc, il y a par procuration du personnel dans l'abattoir qui s'en occupe de sacrifier les bêtes à la place des pèlerins. Puis, il doit aller à la Mecque pour aller faire tawaf al-ifada. Tawaf al-ifada. Et donc, il va faire le tawaf autour de la Kaaba. S'il ne l'a pas fait, il le fera un autre jour. Mais le mieux, c'est de le faire ce jour-là. Il devra faire tawaf al-ifada. En général, les gens qui partent d'ici, beaucoup de gens même d'autres endroits, ils font tamattu'. Donc il y aura derrière ce tawaf un sa'i entre Safa et Marwa. Il y aura le sa'i. D'accord ? Il n'y a que celui qui fait le qiran qui n'est pas concerné par le sa'i. D'accord ? Parce que lui, il a déjà fait un sa'i. Il a déjà fait un sa'i. Donc, une fois qu'il a accompli cela, il devra retourner à Mina. Donc, toutes ces actions sont accomplies ce jour-là, le jour de l'Eid. Et on l'appelle le jour de Al-Hajj al-Akbar. Parce que sont concentrés dans ce jour beaucoup de rituels. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج وقال هذا يوم الحج الأكبر رواه البخاري. D'après l'honorable compagnon Abdullah ibn Umar رضي الله عنهما qui dit le prophète صلى الله عليه وسلم s'est stationné le jour du sacrifice entre les stèles à lapider durant son pèlerinage. Et il dit, alayhi salatu wassalam, voilà le jour du grand pèlerinage. Rapporté par Al-Bukhari. Wa huwa yawmu Eid al-Muslimin. Et ce jour, c'est le jour de la fête pour les musulmans. Et les musulmans n'ont que deux fêtes reconnues dans la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. Eid al-Fitr et Eid al-Adha. La fête de la rupture du jeûne, après le mois de Ramadan, le jeûne du pèlerinage, le jeûne du mois de Ramadan, qui est un des piliers de l'islam, le premier jour de Shawwal, c'est le jour de l'Eid. Et ce Eid ne comporte qu'un seul jour. C'est pour cela que le lendemain, le deuxième jour de Shawwal, quelqu'un peut commencer à jeûner. Et qu'il peut commencer à jeûner s'il veut commencer les six jours de Shawwal ou s'il veut rattraper les jours de jeûne, ainsi de suite. Eid al-Adha, qui est la fête du sacrifice, qui est le 10 de Dhul-Hijjah, elle dure 4 jours. Le jour de l'Eid, Yawm al-Nahr, le jour du sacrifice, et les 3 jours de Tashriq avec. Comme nous l'a enseigné le prophète, alayhi salatu wassalam. Et pour les musulmans, il y a la prière. La première chose qu'on fait, c'est la prière. Pour Eid al-Fitr et pour Eid al-Adha. On fait la prière le matin. Et après la prière de Eid al-Adha, il y a le sacrifice. C'est là que débute le moment du sacrifice pour les musulmans. Avant l'Eid, ce n'est pas le sacrifice qui est demandé. C'est des gens qui ont sacrifié, qui ont immolé une bête pour manger de la viande. Ce n'est pas la bête sacrifiée pour le Eid. Le sacrifice du Eid commence après la prière. Et il dure jusqu'au 13e jour de Dhul-Hijjah. Le 10, on a le 11, le 12 et le 13. On a toute cette période pour sacrifier. Le premier jour, si on n'a pas pu, on peut faire le deuxième, le troisième, jusqu'au quatrième jour. L'essentiel, avant le coucher du soleil du 13e jour de Dhul-Hijjah. Bien sûr, le meilleur, c'est de le faire le premier jour. Mais il y a cette facilité-là qui nous est donnée. Le sacrifice de cette bête, ce qui est voulu, c'est le sacrifice en lui-même. C'est l'effusion du sang de la bête. C'est un acte d'adoration. قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Dis, ma prière et mon sacrifice. Un nusuk, c'est le sacrifice des bêtes. Ma vie et ma mort appartiennent à Allah, qui n'a pas d'associé. Subhanahu wa ta'ala. Et Allah lui dit dans le Coran, فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ. Accomplis donc pour ton Seigneur la prière, puis le sacrifice. Donc la prière avant le sacrifice. La prière avant le sacrifice. Et la prière et le sacrifice sont des actes d'adoration pour Allah Azza wa Jal. Donc ce qui est demandé en premier lieu, c'est le sacrifice. Donc les gens qui se posent des questions, ou les familles, chez nous personne ne mange le mouton, la viande rouge ils n'aiment pas, ou autre phrase, ça n'a pas lieu d'être. C'est le sacrifice qui est demandé. Mais comme les gens ont oublié, ont perdu ces notions. C'est comme si quelqu'un jeûne le mois de Ramadan, mais il le jeûne, pourquoi ? Il dit, c'est un régime que je fais. Mais le pire, c'est qu'il y a des gens où il fait la prière, il dit, ça ressemble à des exercices de gymnastique. Il y a des médecins qui ont dit que les mouvements de la prière sont bons pour le corps et la santé. Et là, vous comprenez bien la parole du prophète, sallam, innama al-a'malu bin-niyyat. Les actes ne valent que par leurs intentions. L'importance. Bien sûr qu'il y a des sagesses, il y a un grand bienfait lorsqu'Allah nous a légiféré. Mais il ne faut pas oublier le côté spirituel. L'adoration d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Donc c'est le sacrifice. Même si tu ne manges pas de la bête, même si toute la bête entière, tu l'offres. Mais tu as accompli ton sacrifice. Les gens, parfois, cherchent tout moyen pour fuir une adoration. Subhanallah. Même, soi-disant, par des bonnes idées qui ne sont pas des bonnes idées. Un mouton en France, ça, le prix, c'est 4 ou 5 moutons dans tel pays. Je préfère en faire profiter telle ou telle famille. Mais les familles qui sont pauvres, nécessiteuses, qui n'ont pas les moyens, ne sont pas concernées par cette demande. Toi, tu es concerné. Pourquoi tu te prives du sacrifice ? Pour que des gens qui ne sont pas concernés le font. Subhanallah. Pourquoi tu prives ta famille et tes enfants de ce sacrifice ? Pour les enfants d'une autre famille. Et lui, il pense bien faire. Donc lui ne le fait pas, mais c'est d'autres qui le font. Non. Ça, si c'était un bien, il nous aurait précédé. Ne croyez surtout pas trouver des idées ou des façons de faire que les premiers n'avaient pas. Les premiers n'ont rien laissé pour les derniers. Le prophète Sassam est le meilleur des hommes. Et il a été envoyé comme miséricorde vers le monde. Comme pour Zekat al-Fitr. On vient avec du raisonnement. Les gens ne veulent pas de nourriture, ils veulent. C'est pas des pauvres. Et d'autres, ils trouvent des gens à qui donner de l'argent, mais pour la nourriture, il dit à qui je vais la donner ? À ceux à qui tu donnais l'argent. Subhanallah. Tu avais de la facilité à trouver des gens pour prendre de l'argent, et tu me dis que tu as des difficultés de trouver des gens pour la nourriture. Donc ceux à qui tu donnais l'argent n'étaient pas des pauvres. Subhanallah. Ce n'étaient pas des nécessiteux. Mais pourquoi ? Tout moyen cherché pour contrer la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Attention, il faut faire attention. L'adoration est une chose à appliquer. On dit « Sami'na wa ata'na ». Nous avons entendu et nous obéissons. Pas comme les juifs qui ont dit « Sami'na wa asayna ». Nous avons entendu, mais au même moment ils disent « Nous désobéissons ». Non, on ne fait pas. Et avant même de réfléchir pourquoi ceci me demandait, je dois l'appliquer. Que j'en connaisse la sagesse ou pas. Subhanallah. Ce n'est pas j'entends l'ordre du prophète sallam et je m'arrête et je réfléchis. Ça, c'est une mauvaise éducation. Mauvaise éducation. J'accomplis. Puis si, alhamdoulilah, j'apprends, alhamdoulilah, yep. Mais même si je ne sais pas pourquoi ça m'a été demandé, je le fais parce que le prophète sallam me l'a demandé. Pourquoi tu fais ceci ? Parce que le prophète me l'a demandé. Voilà la raison et voilà la véritable sagesse pour laquelle je le fais. Ça, c'est l'éducation de la sunna. Subhanallah. Imaginez-vous le prophète face à vous et il vous dit, faites cette chose. et vous restez debout et ne rien faire. Quelqu'un pourrait penser à faire, subhanallah. C'est l'agissement de certains. Donc, il faut faire le sacrifice. Vous imaginez, zakat al-fitr, les gens s'habituent à la donner autre que la manière enseignée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On en arrive à des générations qui vont dire quoi ? On n'a jamais vu quelqu'un la donner en nourriture. On a toujours vu nos ancêtres, nos parents la donner en argent. Voilà, ça part, ça disparaît. Le sacrifice. Les gens ne voient pas la bête être sacrifiée. Ils ne voient pas la viande arriver. Eh bien, il se peut que le père n'en parle même pas aux enfants. Il en voit dans d'autres pays. Mais il n'en parle pas à ses enfants. Et les enfants vont faire la prière de l'Aïd. Et ils rentrent à la maison comme si c'était le jour de l'Aïd al-Fitr. Pareil, il n'y a rien. Il viendra un moment, on n'a jamais entendu parler de bête. Et voilà que les traditions, elles partent. Et qu'est-ce qui prend la place ? Ce sont les innovations. Wal-iyadu billah. Donc faites attention. Maintenant, quelqu'un qui a les moyens, quelqu'un qui a un grand cœur, quelqu'un qui pense aux familles qui ne peuvent pas sacrifier, déjà à la base, dans la sunna, il nous a enseigné de partager. Pas de la viande, alhamdoulilah, tu peux faire des aumônes, tu peux faire des cadeaux. La viande, tu en gardes pour toi et tu en donnes. Et tout le monde profite. Mais des gens, si vraiment ils veulent faire plus, dépensez de votre argent. Subhanallah. Zakat al-fitr, donne la nourriture. Tu penses à des gens, donne aussi de l'argent. Tu as donné en nourriture, maintenant la porte elle est grande ouverte. As-sadaqa elle est ouverte, subhanallah. Non, il ne veut pas la donner en nourriture, mais il veut donner de l'argent. Il ne veut pas faire son sacrifice, mais il préfère envoyer de l'argent à des gens, je ne sais où. Et surtout, lorsqu'on ne sait même pas qu'est-ce qu'il advient de cet argent. Et est-ce que ce sont des gens de confiance ou pas ? Cette ampleur que ça prend, tous ces gens bien intentionnés pour faire du bien, on sait que souvent l'argent c'est dangereux, c'est une fitna. Et ce n'est pas donné à tout le monde d'être quelqu'un de pieux et qui fait attention à l'argent et qui sait que ce n'est pas son argent, c'est l'argent de la communauté. Mais certaines personnes s'approprient ce qui n'est pas leur propriété. Il faut faire attention. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des gens bien intentionnés, des gens qui agissent en bien. Mais beaucoup de gens qui sont dans ces domaines-là ne sont pas raisonnables et ne tiennent pas parole. Ça, c'est une réalité. Et c'est vrai que c'est un domaine, beaucoup, les gens de l'innovation sont dedans. Et ils essayent d'exceller dedans. En même temps, pour eux, c'est pour gagner le cœur des gens, pour pouvoir propager leurs innovations et leurs manes et se faire de la publicité. Au nom, avec quoi ? L'argent de la communauté. Wal'iyadu billah. Qu'Allah nous préserve de tout mal. Donc le sacrifice. Le sacrifice, c'est un acte d'adoration bien précis. Donc là, ce n'est pas de la viande, une bête qu'on va tuer pour manger seulement. Non, c'est un rituel. C'est un rituel qui est demandé. Et donc, il concerne des bêtes bien précises, pas n'importe lesquelles. Même des bêtes qu'on a le droit de manger, beaucoup d'entre elles ne sont pas concernées par le sacrifice de l'Eid. La volaille, on a le droit d'en manger, mais elle n'est pas concernée par le sacrifice de l'Eid. Il y a, on va dire, quatre familles. Il y a les camélidés, ce qu'on appelle les dromadaires, les chameaux. Mais en général, les Arabes, ils connaissent que le dromadaire, ils ne connaissent pas le chameau. Le chameau, c'est l'animal qui est en Asie, en Chine et autres, là-bas, dans les déserts de Chine. C'est celui qui a deux bosses. Mais ça, les Arabes ne le connaissent pas. Et c'est le dromadaire qu'ils connaissent. C'est celui qui a une seule bosse. Donc, cet animal-là, donc, contrairement à ce que certains, parce qu'ils ne l'ont jamais vu ou ils n'ont jamais goûté à la viande, ils pensent que la viande ne se mange pas. Vous lisez bien dans les hadiths du prophète, sallam, que les Arabes mangeaient de cette viande. Et jusqu'à nos jours, les gens qui sont dans le désert, ils mangent la viande de dromadaire. Et les mêmes questions, est-ce qu'on recommence les ablutions ou pas pour cette viande-là ? C'est bien la preuve comme quoi, elle est bien, c'est une viande qui est consommée. Et c'est aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a même fait le sacrifice de combien ? 100 dromadaires. Il en a fait de sa propre main 63. Et a demandé à Ali, radiallahu anhu, de terminer les autres. Il faut que cette bête, elle ait au minimum 5 ans. Elle est au minimum 5 ans, elle va dans sa sixième année. Elle va dans sa sixième année. Et un dromadaire, mâle ou femelle, d'abord toutes les bêtes qu'on va citer, mâle ou femelle, il n'y a pas de problème. Après, il y a des gens, ils ont des coutumes, et le problème, c'est quand la coutume, ils en font une règle. Et qui disent que non, il faut prendre un mâle. Et on entend des fois des gens qui pensent qu'il faut un mâle, pas une femelle. Dans la sunna, ceci n'existe pas. Après, c'est au goût de chacun. C'est le goût de chacun, il veut prendre un mâle, qu'il prenne un mâle. Mais on a le droit aussi de sacrifier une femelle, ce n'est pas un problème. Donc, il faut que l'animal, il ait 5 ans minimum, il entame sa sixième année. Et un dromadaire suffit pour cette famille, cette part. Quelqu'un peut le faire entièrement pour lui-même, pour deux, pour trois, mais ça ne dépasse pas 7. Maximum pour 7. Puis, on a les bovins. Les bovins, c'est les taureaux, les bœufs et les vaches. Le taureau et le bœuf, c'est le mâle de la vache. À la base, c'est le taureau. Et quand il le castre, il devient un bœuf. D'accord? C'est pour ça que le bœuf, il est plus énorme que le taureau. Donc, cet animal-là, le bovin, il faut qu'il soit âgé au minimum de 2 ans. Il entame ça, il entre dans sa troisième année. Il a déjà 2 ans révolus. Donc, un veau, ça passe pas. Un veau, il a que quelques mois. Il n'a pas encore un an. Ça a l'air d'être grand, un veau, parce que c'est la famille des bovins. C'est grand, mais il est encore petit. Ça passe pas. Donc, il faut qu'il ait au minimum combien? 2 ans. 2 ans. Comme pour le dromadaire ou le chameau, il suffit pour combien? Maximum 7 familles. 7 familles. Les gens peuvent se mettre à 7 dessus. Il y aura 7 parts. Puis, on a ce qu'on appelle les ovins. Et dans les ovins, on a le mouton, la brebis, le petit c'est l'agneau, et on a la chèvre et le bouc. Pour la chèvre, il faut qu'elle ait minimum 1 an. 1 an. Elle entre dans sa deuxième année. Elle entre dans sa deuxième année. Et là, c'est pour eux une part. Il n'y a qu'une part dedans. Donc, on ne peut pas partager. D'accord? Pour le sacrifice, hein, je parle. Puis, il y a ce qui est le plus connu chez les gens. C'est le mouton, la brebis et le petit qui est l'agneau. Il faut qu'il ait au minimum 6 mois. Il entre dans son septième mois. Il entre dans son septième mois. Je vous résume ce sujet-là. Il faut qu'il entre dans son septième mois. Pareil, ça c'est pour une famille. C'est pour une seule part seulement. Pour une seule part. Donc, comme on a dit, le sacrifice, il doit être fait après la prière. Le sacrifice fait avant la prière n'est pas accepté. Et la personne devra en resacrifier une autre. On va s'arrêter là, Inch'Allah. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين